Sois ma reconnaissance pour toi ressuscité, pour ton amour sur la croix. Merci agneau de Dieu, le salut et l'assurance. Tu m'as donné sans rien exiger, tu m'as sauvé par la foi. Je te loue roi des cieux, permets-moi d'exprimer mon amour vers toi mon rocher. Accorde-moi de t'aimer comme il sait dans mon berger. Je veux t'aimer et te connaître, de tout mon être je veux renaître. Jésus prends ma vie, sois-en le maître, toi le sujet suprême de mes lèvres. Aïe aïe aïe. Tu m'as aimé Jésus, oh. Le temps, ton cœur est si patient. Tu ne m'as jamais laissé, non plus abandonné. Tu me gardes dans ta maison, fidèle est ton nom. Alors comment t'exprimer, Jésus, ma gratitude, car tu m'as aimé au milieu de la multitude. Et si parfois je suis tombé, dans le mal je suis tombé. Seigneur, à forte main, tu relèves ma tête. Ce ne sont pas de simples mots que j'ai dit et puis j'oublie. C'est juste de l'émotion qui fait perdre la raison. Je t'écris ces chants d'amour pour toi qui vis pour toujours. Je vais te suivre jusqu'au bout. Jésus, soutiens-moi dans mon parcours. Aïe, aïe, aïe. Oh, yes. Kete kotambo la nanga ya mikolo nyonso ezala kati na bobangi yo. Lokolo nanga ya mwasi ezala humilité, pe oya mobali ezala fidélité epai na yo mokonzi. Amen. Yango wete mokili esalema ye alingaki ngai, aponaki nga wuta bomwana na ngai ye Nzambe ya Mungu. Wana nazalaki nano na libumu ye alingaki ngai, atalisaki bolingo na ye kati na nga. Pour que je devienne fils de Dieu, Jésus. Tu m'as aimé, yeah, yeah. ange pour ton ex basse pétele et souligne dans la tobina. À suivre.